C'est vrai que le temps a passé. Les années se sont envolées. Mais bien souvent, les soirs d'été, lorsque le soleil se couchait, c'était à toi que je pensais. Oui, bien souvent, les soirs d'été, lorsque l'océan s'endormait, c'était à toi que je pensais. C'est vrai que sur l'arbre penché, nos prénoms se sont effacés. Mais bien souvent, les soirs d'hiver, quand la neige blanchissait la mer, c'était à toi que je pensais. Oui, bien souvent, les soirs d'hiver, quand le blanc recouvrait le vert, c'était à toi que je pensais. C'était à moi que tu pensais.